Radiomatique. Transmission 550 d'Audiomatique s'ouvrait sur les sonorités d'une locomotive à vapeur de la Union Pacific qui a pour numéro d'identification 4471. Cette locomotive de type switcher, c'est-à-dire utilisée dans les triages, a été construite en octobre 1920 et retirée de service en 1956. Et maintenant, c'est au tour du groupe anglais Snapped Ankles d'assurer la continuité audiomatique. Yeah. nous avions droit à Audiomatic, à la formation belge Brickville, de son quatrième album, simplement intitulé 4 en chiffres romains, et qui est paru en 2023. Nous entendions la pièce Acte 18. Tout juste avant Brickville, nous avions droit à la musique du groupe anglais Snapped Ankles, de son cinquième album studio Hard Times Furious Dancing, sorti le 28 mars 2025, nous vous avons présenté la chanson Bylan. Allons-y maintenant avec une composition de la formation de Cosmic Jokers.

Audiomatique, nous venons d'entendre la pièce Galactic Joke, composée par le projet de Cosmic Jokers, qui regroupe majoritairement des membres de la formation initiale du groupe Ashra Temple, dont bien entendu Klaus Schulz. La pièce que nous avons écoutée est tirée du premier album homonyme de Cosmic Jokers, publié en 1974. À Audiomatique, nous poursuivons en musique, cette fois avec la formation Black Flower. Thank you. Audiomatic, c'était la formation belge Black Flower de son album Future Flora. Lancé en 2019, nous vous avons offert la pièce-titre. La transmission 550 d'Audiomatic se conclura en compagnie du projet Synthi A, mené par les deux membres de la formation de Future Sound of London. De l'unique album de Synthi A, intitulé Ignition of the Sun, publié en 2016, nous écouterons la pièce Moons in Dissidence. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic CFOU si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici Synthi et la pièce Moons in Dissidence. C'était Audiomatic avec les Sonoristes.